Au début de janvier 1963, Harvey remit 2100 dollars à Rosselli pour couvrir les dépenses du Cubain. Et au milieu de février, il mettait un terme à l'opération. Lors d'une rencontre avec Rosselli à Los Angeles, on tomba d'accord pour que Rosselli espace progressivement ses relations avec les Cubains. Au lieu de cela, il rompit simplement tout contact avec eux, sans pour autant les informer que l'offre de 150 000 dollars pour l'assassinat de Castro n'était plus valable. Les employés de la CIA qui l'ont connu expliquent le comportement de Rosselli par son patriotisme et affirment qu'il n'a pas été payé pour ses services. D'après le chef de la division de soutien, Rosselli payait ses dépenses, ses notes d'hôtel, ses frais de déplacement, et il n'a jamais accepté un cent. Il disait que c'était le moins qu'il pût faire pour le gouvernement des États-Unis, parce qu'il devait beaucoup à son pays. Rosselli a déclaré qu'il était mu par son sens de l'honneur et son dévouement. En 1943, Rosselli fut condamné pour avoir extorqué des fonds à des producteurs de cinéma qu'il prétendait assurer contre les mouvements de grève. Au moment où il se trouvait en contact avec la CIA, il s'occupait activement d'affaires d'hôtels et de maisons de jeu à Las Vegas. Il se peut qu'il ait considéré sa collaboration avec le gouvernement comme une assurance sur l'avenir. Edwards aussi est d'accord. Rosselli n'a pas touché un centime. Et Mayhew ? John Cana n'a rien touché, pas même ses frais. Quant à M. Rosselli, il n'a reçu qu'une bagatelle qui ne pouvait couvrir qu'une infime partie de ses dépenses. Il a cependant été établi que la CIA a payé la note d'hôtel de Rosselli pendant son séjour à Miami en octobre 1960. Les relations de la CIA avec Rosselli ont causé quelque embarras à l'agence lorsque Rosselli s'est vu poursuivi pour fraude dans une maison de jeu et usage de fausse identité. En mai 1966, le FBI menaça Rosselli de déportation pour avoir vécu aux États-Unis sous un faux nom, à moins qu'il n'accepte de collaborer à une enquête sur la mafia. En effet, Rosselli, dont le nom véritable est Filippo Sacco, est né en Italie et est probablement entré illégalement aux États-Unis pendant son enfance. Rosselli alla trouver Edwards, qui informa le FBI que Rosselli voulait bien jouer franc-jeu avec le bureau, mais qu'il craignait pour sa vie s'il parlait. Après son arrestation pour fraude au Friars Club de Beverly Hills en 1967, Rosselli demanda à Harvey, qui avait quitté la CIA, de le représenter. Harvey demanda à la CIA de faire cesser les poursuites. Rosselli fut par la suite déclaré coupable d'avoir enfreint les lois fédérales américaines sur le jeu. En 1971, la CIA demanda au service de l'immigration et de la naturalisation du département de la justice d'empêcher la divulgation du rôle opérationnel de Rosselli à la CIA, divulgation qui pouvait se produire si on entamait les procédures en déportation. La CIA obtint d'être tenue au courant des développements de cette affaire. L'ordre de déportation fait actuellement l'objet d'un litige devant les tribunaux. Au début de 1963, le groupe d'études W, cette section de la CIA qui couvrait alors les menées clandestines à Cuba, étudia deux plans d'assassinat de Castro. Desmond Fitzgerald, décédé depuis, chef du groupe, demanda à son adjoint d'explorer la possibilité de placer, à un endroit où Castro faisait souvent de la plongée sous-marine, un coquillage exotique bourré d'explosifs. L'idée fut étudiée par la division des services techniques, mais on la rejeta comme impraticable. Le scénario du deuxième plan prévoyait que James Donovan, qui négociait avec Castro la mise en liberté des hommes faits prisonniers lors de l'invasion de la baie des Cochons, remettrait à Castro un costume de plongée infecté. Donovan n'a pas été mis au courant de ce plan. Selon le rapport de l'inspecteur général, cette opération devait se dérouler en janvier 1963 au moment où Fitzgerald remplaçait Harvey à la tête du groupe W. Mais on ne sait pas qui de Harvey ou de Fitzgerald eut cette idée. Une date antérieure à celle mentionnée serait plus vraisemblable, cependant, car la mission de Donovan prend fin au milieu de janvier 1963. Pour reprendre le mot de Helms, il s'agissait d'un plan complètement farfelu. La division des services techniques fit l'achat d'un costume de plongée sur lequel on répandit un champignon qui devait provoquer une maladie chronique de la peau, le Madura Foot. Quant à l'appareil respiratoire, on l'infecta avec le bacille de la tuberculose. Il semble, selon le rapport de l'inspecteur général, que l'on ait abandonné le plan parce que Donovan avait déjà, de son propre chef, offert à Castro un costume de plongée. Le costume contaminé, d'après Helms, n'a jamais quitté le laboratoire. Au début de 1961, un fonctionnaire de la CIA eut une entrevue avec un haut fonctionnaire du gouvernement cubain pour savoir si ce dernier serait prêt à travailler contre le régime de Castro. Pour désigner ce Cubain, on créa le cryptonyme A.M. Lash. Ce premier entretien n'apporta rien de concluant, mais il entraîna d'autres rencontres au cours desquelles A.M. Lash se dit prêt à collaborer avec la CIA. La CIA considérait A.M. Lash comme un de ses agents importants à Cuba. À cause de son rang élevé et de la confiance que lui témoignait Fidel Castro, A.M. Lash pouvait fournir à la CIA des renseignements précieux sur les rouages internes du régime. On croyait aussi qu'il était homme à prendre part à un éventuel coup d'État à Cuba. Dans le cadre de l'opération dite A.M. Lash, ce fonctionnaire cubain était l'agent principal. Au même moment, la CIA commanditait une opération distincte qui visait à infiltrer les forces armées cubaines, soit pour encourager les défections, soit pour obtenir des renseignements de la part de dissidents et peut-être même amener la formation d'un groupe d'hommes capables de prendre la relève du gouvernement d'alors. Les deux officiers qui furent successivement responsables de A.M. Lash s'occupaient aussi de ce programme. Pendant la période qui s'étend des premiers contacts avec A.M. Lash jusqu'à la fin de 1963, on n'a jamais su très bien s'il allait déserter son pays ou demeurer à Cuba. Le FBI et la CIA repoussèrent ses premières demandes d'aide pour quitter Cuba. Lorsque, en juin 1962, le premier officier traitant fut mis sur l'affaire, ses ordres spécifiaient qu'il devait veiller à ce que A.M. Lash demeure sur place et continue à rester en contact avec nous. À l'automne de 1963, A.M. Lash se dit prêt à demeurer à Cuba, à condition de pouvoir jouer un rôle important dans l'émergence d'un nouveau Cuba. Et il exprima le désir de préparer l'exécution de Fidel Castro. Au cours d'une autre rencontre, quelques jours plus tard, entre A.M. Lash et son officier traitant, la question de l'assassinat de Castro revint sur le tapis. Selon le rapport de l'officier, ils parlèrent d'assassinat au cours d'une discussion sur le rôle de A.M. Lash à Cuba, et A.M. Lash sembla tiquer sur le mot. Il n'avait rien contre l'acte en lui-même, mais plutôt contre le mot utilisé pour le décrire. Éliminer lui semblait plus acceptable. Dans leur témoignage, les deux officiers disent n'avoir jamais demandé à A.M. Lash d'assassiner Castro. Les dossiers, cependant, sont clairs. Tous deux savaient que A.M. Lash désirait s'engager dans cette voie. Voici à l'appui le texte d'un câble adressé au quartier général et portant sur une rencontre avec A.M. Lash en 1963. N'avons aucune intention de donner pour mission à A.M. Lash l'élimination physique comme il le demande, mais sommes conscients qu'il peut ou pourrait le faire de lui-même. A.M. Lash, au cours d'une rencontre à la fin de l'automne 1963, évoqua à nouveau l'idée de quitter Cuba, mais il se dit prêt à travailler contre le régime Castro si les Américains pouvaient lui garantir leur appui total. A.M. Lash, selon son deuxième officier traitant, exigeait des armes, des dispositifs pouvant le couvrir au cas où ses menées contre Castro viendraient à être découvertes, et un entretien avec l'attorney général Robert Kennedy. Desmond Fitzgerald, chef du bureau des affaires spéciales, accepta de rencontrer A.M. Lash et de lui donner toutes les garanties qu'il demandait. Fitzgerald, d'après le rapport de l'inspecteur général, consulta le directeur Helms, qui lui suggéra de se faire passer pour le représentant personnel de Robert Kennedy. Helms ne s'est pas rappelé cette conversation avec Fitzgerald. Et s'il n'a pas consulté l'attorney général, c'est sans doute, dit-il, parce que ça allait tellement dans le sens de ce que nous voulions faire. C'est-à-dire trouver à Cuba quelqu'un qui puisse diriger un gouvernement et avoir sur place une alternative à Castro. C'est tellement ce que nous cherchions, et ce qu'en fait tout le monde attendait de nous, que j'ai dû effectivement dire quelque chose comme ça. Helms dit à Fitzgerald d'y aller carrément et de dire aux Cubains « Du point de vue appui politique, le gouvernement américain est derrière vous si vous réussissez. » Ainsi, dit Helms, ça n'a rien à voir avec des meurtres. On parle uniquement de l'aspect action politique. Fitzgerald rencontre A.M. Lash à la fin de l'automne 1963 et lui promet l'appui du gouvernement américain en cas de coup d'État contre Castro. Plus tard, au cours de son entrevue avec l'inspecteur général, Fitzgerald s'est souvenu que A.M. Lash avait réclamé à plusieurs reprises une arme, plus précisément un fusil puissant avec lunettes télescopiques qui permettrait de descendre Castro à distance. Fitzgerald dit à A.M. Lash que les États-Unis ne voulaient pas se voir impliqués dans un attentat contre la vie de Castro. Selon son second officier traitant, A.M. Lash a évoqué la possibilité d'assassiner Castro, mais sans apporter de précision. A.M. Lash, cependant, était convaincu qu'il fallait se débarrasser de Castro avant de tenter un coup à Cuba. A.M. Lash demande à nouveau à son officier des fusils et des grenades. Extrait d'une note du deuxième officier traitant. C.S.A.S., Fitzgerald, est d'accord pour qu'on dise à A.M. Lash qu'on lui indiquera une cache d'armes à Cuba. La cache pourrait contenir, s'il le désire, des fusils puissants avec lunettes. Le 22 novembre 1963, on apprenait à A.M. Lash que les armes seraient larguées sur Cuba. Autre dispositif offert à A.M. Lash, un stylo bille muni d'une aiguille hypodermique. L'aiguille était si fine que la victime ne pourrait même pas sentir l'injection. D'après le rapport de l'inspecteur général, le second officier déclara, au cours d'un entretien en 1967, que A.M. Lash avait demandé à la CIA de mettre au point des dispositifs techniques pour effectuer le travail, afin qu'il ne risque pas automatiquement sa peau dans l'aventure. Selon le témoignage de l'adjoint de Fitzgerald, le stylo devait montrer notre bonne foi, et comme nous avions l'ordre de trouver quelque chose pour se débarrasser de Castro, nous avons cru que ce moyen serait plus efficace qu'un fusil. Helms est d'accord. La CIA a fabriqué ce stylo pour A.M. Lash, afin de répondre à sa demande d'un dispositif pratique pour se débarrasser de Castro, le tuer ou l'assassiner, selon les expressions. C'était un moyen de gagner du temps. Le second officier traitant a donné une version contradictoire. Selon lui, le stylo devait permettre à A.M. Lash de se défendre, au cas où il aurait à faire face à l'accusation d'avoir participé à un coup d'État militaire contre Castro. D'après l'officier, A.M. Lash désirait un dispositif secret, facile à dissimuler, qu'il pourrait utiliser pour se défendre. Il ne s'agissait pas d'une arme offensive, mais bien plutôt d'un support moral qui lui rappellerait que nous avions à cœur de le protéger et que nous voulions assurer sa sécurité. Cette version des faits ne concorde absolument pas avec des documents qui se trouvent dans les dossiers de la CIA, et qui démontre que A.M. Lash avait bien l'intention de tuer Castro, que la CIA le savait et qu'elle a tout fait pour lui en fournir les moyens. Le 22 novembre 1963, Fitzgerald et l'officier traitant rencontrent A.M. Lash et lui remettent le stylo, en lui recommandant de le remplir de Black Leaf 40, un poison mortel qu'on trouve dans le commerce. Le rapport de l'inspecteur général souligne que c'est probablement au moment même où le président Kennedy était assassiné qu'un employé de la CIA rencontrait un agent cubain et lui donnait une arme pour tuer Castro. A.M. Lash, d'après son officier, ne trouvait pas le stylo très au point et ajouta que la CIA devait bien pouvoir inventer quelque chose de plus fort que ça. L'officier se souvient d'avoir remis le stylo à A.M. Lash, mais il ne sait plus très bien si ce dernier l'a emporté ou s'il l'a jeté. A.M. Lash aurait déclaré n'avoir aucune intention d'emporter le stylo à Cuba, mais l'officier ignore ce qu'il en a fait. Un document rédigé en 1965 et trouvé dans le dossier A.M. Lash de la CIA précise: le 22 novembre 1963, Fitzgerald et l'officier traitant donnent à A.M. Lash l'assurance que la CIA lui fournirait tout ce dont il aurait besoin, lunettes télescopiques, silencieux, tout l'argent qu'il voulait. Mais à peine les deux hommes ont-ils quitté la réunion que la situation change totalement. Ils apprennent que le président Kennedy vient d'être assassiné. Cet événement modifie les plans concernant A.M. Lash, et il est décidé qu'il nous est désormais impossible de participer à l'assassinat d'un homme politique étranger, même Castro, et qu'en conséquence, nous ne pouvons plus aider A.M. Lash. Ce n'est qu'en novembre 1964 que l'officier traitant informe A.M. Lash de cette décision. Mais en réalité, les tentatives d'assassinat impliquant A.M. Lash continuèrent jusqu'en 1965.